بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في درس 38 بعد المئة 138 question ou leçon. Donc la dernière fois on a pris les règles lorsque l'on rentre au masjid, lorsque l'on sort de la maison pour le masjid, quand on rentre au masjid, comment on doit se comporter. Maintenant il va citer ce qui touche aux invocations du matin et du soir. Je pourrais pas forcément bien traduire, mais bon, comme je vous l'ai expliqué dans le dossier précédent, retournez dans les petits livrets écrits qui contiennent les invocations et lisez les traductions qu'ils mettent. Mais tant que la personne peut l'apprendre par cœur en arabe, cela est meilleur pour lui. S'il a possibilité de le faire, il faut qu'il le fasse. Par contre, la vie sous elle, Ishirin, ou Khamis ou Ishirin, ou Miyatin Bad Elf, 1225e question. Oskur Bad Afkar, Al-Sabah, Al-Masa. Maintenant, il dit cite certaines invocations que l'on fait le matin et le soir. Déjà, il faut savoir que. Le soir, plutôt on va dire l'après-midi, que cette invocation, elle est valable à partir du moment où le Fajr est rentré. C'est-à-dire même si quelqu'un le fait après l'Azan, il n'attend pas d'avoir fait la salat, il peut le faire, c'est valable. Et elles sont valables jusqu'à quand ? Parce que le soleil se lève, jusqu'au Shuruq. Quand le soleil se lève, le temps de ces invocations du matin, il est fini. À part pour quelqu'un qui aura oublié, qui n'aura pas fait exprès, par exemple, Inch'Allah, les ulama disent la baisse, il y a droit à des alika. Mais sinon, leur temps légiféré, c'est celui-là. Et les afkar du masa, de l'après-midi, ils commencent de. Il y a un khilaf, certains disent après le asr, d'autres disent après le dhor, jusqu'à ce que le soleil se couche. Jusqu'à ce que le soleil se couche. Donc il dit maintenant parmi les afkar du masa, du matin. Dans le hadith de Jouahiriya, un nabi sallallahu alayhi wa sallam, kharaja min indiha, bukratan, hina salla subh, waya fi masjidiha. Thumma raja'a bad an atha, waya jalisa. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, selon Jouhiriya, qui est sorti de chez elle, un matin tôt, au moment où elle a fait la salat du Subh, alors qu'elle était encore dans son lieu de salat. Après, il est revenu. D'accord, il est revenu. Et il l'a dit, il lui a informé qu'il l'a dit le matin, Subhanallah wa bihamdi, adad khalqihi, wa rida nafsihi, wa zinata arshihi. وزنتي ورشي عفوا اي نعم وزنه عرشه ومداد كلماته ابطه مسلم وكذلك الحديث de ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اذا اصبح qu'il disait lorsque c'était la matinée le matin اللهم ربي اصبحنا اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك Nahya ou Bika Namot ou Ileka Nushur, qui l'a dit, oh Allah, par toi nous avons atteint la matinée, et par toi nous attendrons, on va dire, la soirée ou l'après-midi, et par toi nous avons vécu, et c'est par toi que nous mourrons, et c'est vers toi que nous reviendrons, et c'est vers toi qu'est le retour. Et également, on peut faire Ya Surat al Surat al المعزتين مثلا سورة الناس والفرق كذلك il y a plein d'afkars du matin et du soir. Il y a certains qui à la base ce livre était pour les enfants pour qu'ils puissent les mémoriser facilement, donc il n'a pas tout dit, mais il y a plein d'afkars à faire pour le matin et pour le soir. Et quand je dis le soir, je dis l'après-midi. Naam ثم يقول ومنها ما يقال في المساء. Maintenant parmi ces afkars qui peut dire l'après-midi, tamam. أولاً الآيتان الآخرتان من سورة البقرة. Qui disent les deux versets, les deux derniers versets de سورة البقرة. Comme dans le hadith de أبي مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. Qui a dit que celui qui lit les deux versets de سورة البقرة pour la nuit, cela lui suffit. Mais non, ça c'est parmi les afkar de nuit et non pas ceux de l'après-midi. Donc je ne sais pas pourquoi l'auteur l'a mis ici. Ça, c'est pour les askars à faire avant de dormir. Par contre, pour les askars de l'après-midi, on peut faire le même qu'on a dit précédemment dans le hadith de Abu Huraira, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna, ainsi de suite. Sauf qu'au lieu de dire en premier lieu, partout nous avons atteint la matinée, yani bika asbahna, il commence par bika amsayna, partout nous avons atteint quand même l'après-midi, wa bika asbahna, et après il dit, et partout nous avons atteint la matinée. Il change l'ordre des deux mots. Et après, il dit la même chose par la suite. كذلك parmi les afkar du matin et qui sont valables pour le matin et pour le soir dans le hadith de Othman ibn Affan تمام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال بسم الله الذي لا يضره ما اسمه شيء في الارض ولا في السماء فهو السميع العليم ثلاث مرات لم يصبه فجاءت البلاء حتى يصبح ومن قال حين يصبح ثلاث مرات لا تصيب فجاءت البلاء حتى يمسي رواه ابو داود Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui dit Bismillah, celui au nom duquel rien ne peut nuire, celui par le nom duquel rien ne peut nuire, sur terre et ni dans le ciel, il est le parfaitement audient et l'omniscient. Il le dit trois fois cela, qu'il ne lui arrivera rien soudainement comme chose nuisible, même, c'est-à-dire du soir jusqu'au matin. Et s'il le dit le matin, trois fois, rien ne lui atteindra, d'accord, comme chose nuisible soudainement. Jusqu'à ce que vienne l'après-midi ou le soir. Donc ce dua-là, on peut le dire le matin et le soir. C'est valable pour les deux. Également, il y a ce qu'on appelle Sayyid al-Istighfar, le maître de la demande de pardon. Parmi la demande de pardon, celle qui est la maîtresse, on va dire plutôt, l'âme. D'accord ? L'invocation qui est la plus grande demande de pardon. Et ça, c'est la question qui est Sadis ou Aishirin ou Amiyatin Bad Elf. 1226e question. Mawa Sayyid al-Istighfar. Maintenant, quelle est la maîtresse des demandes de pardon ? Donc, c'est dans le hadith de Shaddad ibn Aws. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Sayyid al-Istighfar, Anta Kul, Allahumma Anta Rabbi, la ilaha illa Anta, Khalaqtani, Wana Abduk, Wana Ahdik, Wa Wa'dik, Ma Stata'at, A'ouzu Bika min Shari Ma Sana'at, Wa Abu'u Laka, Bi Ni'matika Alayya, Wa Abu'u Laka Bi Zanbi, Faghfir Li, Fainu La Yaghfiru Dhunuba Illa Anta. Donc il a dit, c'est quoi cette Sayyid al-Istighfar ? De dire, oh Allah, tu es mon Seigneur. T'as même une divinité digne d'adorer en dehors de toi. Tu m'as créé, je suis ton serviteur. Je suis sur mon engagement et ta promesse tant que je peux. Je recherche refuge auprès de toi contre le mal que j'aurais pu faire. Je reconnais ton bienfait sur moi. Tout comme je reconnais mes péchés. Et je te demande pardon. Ou plutôt, pardonne-moi. Car nul ne peut pardonner les péchés en dehors de toi. D'accord ? Donc ça c'est le Sayyid al-Istighfar. قال ومن قالها من النهار موقتاً بها أو موقناً بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. Donc celui qui dit cela dans la journée avec certitude. D'accord ? S'il meurt dans la journée, dans cette journée-là, avant que le soir ne vienne, il est parmi les gens de Jannah. ومن قالها من الليل فهو موقن بها فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُسْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَلَى الْجَنَّةِ. Celui qui le dit avec sa conviction dans l'heure de la nuit et qu'il meurt lors de cette nuit-là, il sera parmi les gens de Jannah. Donc maintenant, ce n'est pas le fait de prononcer, c'est le fait de comprendre également, de méditer l'essence et d'en avoir la conviction, comme il le dit. D'en avoir la conviction de ce que l'on dit. De reconnaître tout cela pleinement, qu'Allah nous a créé dans son tawhid également et dans ses noms et attributs. D'accord ? De reconnaître nos erreurs, de reconnaître ses bienfaits sur nous et de demander pardon pour nos fautes. ثم قال في السؤال 28 و 1000 1228 question ما فضل لا حول ولا قوة إلا بالله. Quel mérite maintenant de dire ni de puissance ni de force ce n'est pas Allah, car c'est réel, on ne peut rien faire ce n'est pas Allah Azza wa Jal. Tout ce que l'on fait c'est parce que Allah nous a accordé la possibilité de le faire, d'accord, sans quoi on ne pourrait le faire. Et ça c'est un trésor parmi les trésors du Jannah. C'est un trésor parmi les trésors de Jannah. Comme le hadith de Abu Musa al-Ash'ari. Quand le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ala adulluka ala kalimatin min kunuz al-Jannah, ou qala ala kenzi min kunuz al-Jannah, kultu bala qala la hawla wa la quwwata illa billah. Muttafaqun alayhi. Qui lui a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Abu Sa'id, ne vais-je pas t'apprendre une parole qui est parmi les trésors du paradis ? Il a dit, si. Et là, lui, il a dit, La hawla wa la quwwata illa billah. Nulle puissance ou de force, ce n'est pas Allah. C'est-à-dire ni de capacité, ni de possibilité de faire les choses, ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, on peut le dire à tout moment, et aussi également au moment où on est impressionné par une chose qui nous plaît, ou surpris par une chose. On le dit. Wa akada. Donc on va s'arrêter là aujourd'hui. Wa sallu wa sallu yom fi dersin qadim, inshallah ta'ala. Wa subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.